Ça me surprend pas. Tu sais, Le c'est. monde de l'astral, il se nourrit de notre. Tu sais, Bernard, quand on devient. En tout cas, Bernard, il a amené des principes que si tu les appliques, puis tu arrives à travailler avec ce qu'il dit, ta compréhension de ces principes, ça libère beaucoup de l'astralité, justement. Mais c'est un monde vivant, en passant, le monde astral, là. Ça mange nos émotions comme nous, on mange du Big Mac, là. C'est leur Ah nourriture. Il ouais. faut comprendre ça. C'est important de comprendre que l'astral se nourrit de nous, puis qu'il faut aussi, quand tu dégages ces affaires-là, il faut les éduquer. C'est à nous de les éduquer maintenant, Ok, toi, d'aller qu'est-ce que t'en ailleurs. penses, donc, Berthold, éduquer l'astral ou éduquer les morts? Ben moi, j'éduque mon entité de sacré le cœur. Quand je me fais ramasser, je dis, hey, décollé, s'il y a du monde à manger, là, tu peux aller voir ailleurs, puis ça marche, hein. Ils savent pas, ça réfléchit pas, ce monde-là. C'est pas un monde de réflexion, Bertrand, Mais il sait. qui. Non. Ouais, mais vas-y, Berthold. Ben, on voit ça, je veux dire, dans toutes les. Ben, regarde dans le vaudou. Quand il y en a un qui a des problèmes avec le culte puis tout, puis qui meurt, ils vont dire, ben, il s'est fait manger. C'est vraiment ça, là. Puis après, quand tu lui demandes, ben, comment ça marche, par exemple, si on regarde l'Église catholique, est-ce que c'est comme les lois, puis ils mangent? Puis ils vont dire, ben oui. Quand tu vas allumer des lampions, quand tu vas. Ils se nourrissent de. En arrière de la forme, les statues, puis tout, c'est des entités astrales. Ils le savent, eux autres. C'est pas pour rien qu'ils ont fusionné le catholicisme avec leur pratique, parce qu'ils savent que ça marche de la même façon. Ouais, exactement. La journée là, que tu décides, dis-moi, j'ai nourri plus. Ben, Là, tu as les retours de ta famille, genre, tu viens pas à l'église, tu viens. Non! non, mais ça, moi, j'ai pas de. Je peux te dire que j'ai plus de famille à cause de ça. C'est pas question de religion, c'est juste par ma transformation. Ma famille me contient pas. Ils ont peur de moi. Ah ben Ma ça. Deviens indigeste sur le plan vibratoire par rapport à eux. soeur, elle m'a dit, tu me stresses tellement quand tu viens chez nous. Je parle de rien, les amis, là, comme ça. Je fais juste exister, je respire, là. Je parle pas de Mais conscience comme dirait figurée. André Moreau, ce que tu es parle plus que ce que tu dis. Ben, c'est ça. Puis là, ma soeur, elle étouffe. Ben, j'ai dit, je vais laisser faire. Je ne veux pas retourner depuis 2 ans. J'ai dit, mais ben, là, ça me tente plus, moi, là, d'être là, Ben, c'est s'il parce que ça, souffre. s'il y a un décalage vibratoire trop grand entre toi et elle, c'est que ton feu énergétique va lui créer des tensions ou à un certain niveau, la faire souffrir astralement, par rapport à son niveau de conscience sans qu'elle s'en rende compte. C'est ça, exactement. Mais je voulais à Berthold l'amener à commenter, à savoir est-ce que c'est intelligent de vouloir éduquer l'astral ou les êtres du monde de la mort? J'ai pas dit Ça éduquer dépend. l'astral en passant, j'ai dit éduquer notre astralité. Pas Ouais. pareil. Éduquer l'entité qui m'habite ou qui m'habitait, que j'ai dit de crisser son camp, puis qu'elle pouvait aller se nourrir de d'autres personnes, puis de l'informer qu'il y avait d'autres accès que ma nourriture, parce que j'étais en train de la couper de ma nourriture. Oui, ça je Mais comprends. Au je niveau. ne fais pas le combat de l'astral, oubliez ça. Ben, plus tu es conscient, puis plus ils vont être forcés d'apprendre. Aussi. Mais des fois, Donc. des fois je vis plus ça, mais je vais être du harcèlement. C'est ce que j'appelle se développer des dents mentales. C'est un mental puissant qui passe l'ordre de dégager. T'sais. Mais je me rendais compte que de juste passer l'ordre de dégager n'était pas suffisant. Il fallait que j'explique à ce monde, cette entité qui vit dans un monde qui est complètement. Je ne sais pas comment montrer ça, mais ça ne réfléchit pas. Ça marche, ça marche quand je fais ça. C'est pour moi, ça marche. Peut-être ça marche pas pour les autres. Là. Mais je passe pas une discussion pendant des heures. Je fais juste dire, Non. l'autre monde allait manger. Là, tu peux aller le nourrir. Va te nourrir ailleurs. Parce que l'affaire, là, de vouloir éduquer l'astral puis les morts, c'est-à-dire que si on capte du nouveau, puis qu'on est de plus en plus conscient, ben les autres, ils n'ont pas le choix de faire avec. Dans le sens que, ben, je veux dire que si tu es conscient de quoi de nouveau, que tu vois, puis c'est nouveau, puis ça n'a pas été vu avant, les autres, avec le vieux stock, ça marche plus. T'enregistres du nouveau dans leur monde, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de le prendre en considération parce que tout est interrelié. Ben, eux autres, ils n'ont aucune espèce de possibilité de choix, dans le fond, d'aucune façon. Même si notre libre arbitre, c'est un peu une illusion, il reste on a plus de liberté qu'eux autres, ça se compare même La pas. capacité de réfléchir à ce que les autres n'ont pas. C'est ça. C'est-à-dire, Ben si tu encore là, observes tes attends propres une pensées minute. puis que tu le vois que des affaires n'ont pas d'allure, tu es en train de foutre le bordel dans le monde. Oui, c'est ça va leur créer une tension énergétique, mais si on part du principe, parce que là, si vous dites que eux autres peuvent pas réfléchir, comment ils font pour induire des pensées réfléchies dans le mental humain? C'est machinal. C'est ouais, voilà. Ils t'envoient ce qu'ils ont, puis c'est comme des réflexes. C'est vraiment comme c'est comme un animal qui te crache dessus. OK, C'est comme un chat c'est de qui fait l'ordre des griches. de l'automatisme, Ben oui. mais C'est des automates. C'est un monde. Ils ont pas la capacité de raisonner, de réfléchir, de tout ça. Ils ont juste une action à poser. C'est des égrégores, des orgueilleux, des ci, des ça. Mais ils pulsent ça. C'est tout ce qu'ils peuvent pulser. C'est ce qu'ils sont. C'est-à-dire d'orgueil ou Mais c'est-à-dire que c'est un des. catéchisme ou Ouais. des bourreaux, un maso, un sadique. Peu importe. C'est-à-dire qu'ils C'est. renvoient de l'information mémorielle qu'ils ont captée, qu'ils ont intégrée à un certain niveau, mais par rapport à ça, le point que je veux faire, c'est. Comment dire? Ouais. Pose une question. Je vais amener une question en lien avec ça. Sais pas comment le dire. Je blague, je te Non, taquine. non, mais c'est correct, c'est correct. Mais c'est parce que si, OK, si eux autres, ils peuvent pas réfléchir, mais ils nous amènent à vivre la pensée réflexive, parce que ils vont... Qui t'amène à penser réflexive, c'est toi qui réfléchis sur ce qui t'envoie, c'est pas pareil. OK, dans le sens que, par exemple, ils nous envoient du L'humain a la mémoriel, on capacité réagit de par rapport à réfléchir, soi. mais pas eux autres. Excuse-moi, tu disais? L'humain a la capacité de réfléchir, mais pas les entités astrales. C'est une pulsion qui envoie, et puis toi, tu te mets à jaser avec ça. OK, mais pourquoi qu'ils envoient une idée plutôt que l'autre? Pardon? Pourquoi qu'ils vont acheminer dans le mental de l'être humain une idée plutôt que l'autre s'il n'y a pas de réflexion ou de sélection d'informations? C'est pas On va parce qu'ils laisser répondre réfléchissent à pas ça. que. C'est pas parce qu'ils réfléchissent pas qu'ils n'ont pas de mobile ou qu'ils n'ont pas de but. Il colle à, si mettons ton ego a une mémoire d'orgueilleux, il y a de l'orgueil Oui, là-dedans. oh oui. Ben ça dégage une odeur, là. Il y a une vibration, une fréquence que les autres ils reconnaissent. C'est juste ça. Ils Ben c'est vont pas ça t'envoyer la qui est. pensée, genre, je suis pas intelligent. Là, la personne, elle se met à penser qu'elle n'est pas intelligente, puis là, elle perd de l'énergie, puis elle a de la peine, puis tout, puis eux autres, ils ramassent. Youhou, le C'est lunch. ça. Puis c'est vraiment comme une mécanique vampirique, dans le fond. C'est des vampires. Mais si c'est prémédité de faire ça pour siphonner l'énergie d'un être Ben humain, là, s'il y a une moufette qui rentre dans le c'est le poulailler pour choc. saigner les poules, c'est pas que c'est prémédité, c'est parce que c'est dans sa nature. C'est ça, David, c'est leur nature. C'est un Des monde parasites qui vit. énergétiques parce qu'ils sont pas en fusion puis ont pas accès à l'intelligence créative C'est ça. dans ce sens-là, mais en même temps, je veux dire, pourquoi qu'ils induisent de réfléchir à une idée plutôt que de l'autre s'ils n'ont pas de libre arbitre? Ben, ils vont t'envoyer celle qui leur envoie le plus d'énergie. Ça dépend des failles que tu as dans ton corps, C'est dans ton ça. corps émotionnel. Ça C'est. dépend de ton corps émotionnel, ce qui dégage, qui les Ben, active. c'était une petite grosse boutonneuse, puis ils vont t'envoyer des beiges pas belles. Puis même la même affaire, ça peut être dans le positif, c'est-à-dire l'orgueilleux, vaniteux, ils vont dire oh, moi je suis donc intelligent, mais là, ça, c'est la personne, elle va créer de l'expérimental souffrant avec d'autres, puis là, ils ramassent l'énergie des autres. Ça. Puis si C'est mécanique. on l'applique dans les conflits qui se déroulent présentement, là, que ce soit entre Israël, le Hamas ou la Russie puis l'Ukraine, on peut dire que les deux pays se font envoyer des pensées de l'astral pour tirer profit de la vampirisation des populations qui sont impliquées. Ben là, ils ramassent même les armes. Oui, parce que Présentement, ils ont des pas gens. mal d'hommes Ouais. à ramasser. Il y en a Ouais. quelqu'un qui meurt. Ben là. Puis le pire, c'est que, tu sais, quand on dit, mettons, qu'ils ne réfléchissent pas, puis ils ne sont pas intelligents, dans le fond, ça paraît parce que si tu observes ta pensée, puis tu te rends compte que la pensée ne vient pas de toi, puis tu lui demandes pourquoi tu dis ça, il bloque. Ils savent pas quoi faire. Ça coupe le Ça fait. mouvement, ça les déstabilise. C'est comme Hein? quelqu'un qui est pris Oui, en ça flagrant des même. livres, faire un vol ou quelque chose qui peut être déstabilisé. Ben, c'est comme tu mets une flashlight sur un cerf dans le bois en pleine nuit. Ils figent puis ils savent plus quoi faire. Exactement. Ouais, parce qu'il est dévoilé. Mais comme je comptais dans le rêve, quand c'est là que j'ai compris, quand on les voit, ils sont, ils savent pas quoi faire. Ah, elle me voit. Qu'est-ce que je fais? Au secours! Fait que là, tu nous ramènes au Ouais. pouvoir de l'observation. C'est ça, si on joint ça avec la colère mentale, là, à ce moment-là, l'être humain peut en faire du ménage puis déloger, là. Ouais. Ouais, mais c'est bien insidieux dans le sens que s'ils savent que par l'expérience, même s'ils réfléchissent pas, ils ont de la mémoire. Donc, ils vont s'arranger pour pas être où t'es pogne tout le temps. Là, tout d'un coup, ça devient insidieux, puis ils s'en vont dans des recoins que t'as pas, tu vois plus, tu vois pas. Angle mort de ta personne C'est que ça. donc ils ont une force, ils ont une capacité quand même d'intelligence, t'sais, pour cerner l'individu, t'sais, ils ont une certaine finesse, une certaine Ils ont intelligence. de l'instinct de C'est survie. ça. C'est comme des animaux, des prédateurs. Des prédateurs, David. OK. C'est comme quand tu allumes la lumière, les coquerelles vont se cacher. C'est pas parce qu'ils réfléchissent, faut jamais cacher. C'est parce que c'est automatique. Si tu les as tous tués dans le tour du poêle, ben ils vont aller se cacher dans le tour du frigidaire après. Il va y C'est avoir une pas parce que c'est pas vraiment migration. de l'intelligence. Non, je comprends. C'est un phénomène d'adaptation, de migration. Faut pas que je l'anthropomorphise. Non, mais c'est vraiment mécanique. Je trouve que le mot le plus juste, c'est le mot mécanique. C'est une mécanique. Là, Bernard Quand tu travailles Dame, la mécanique, ben, ils sont fourrés un peu. Ils savent plus trop quoi faire. Puis des fois, ils viennent attaquer ton environnement. Ils viennent attaquer ah toutes sortes de oui. monde pour venir t'ébranler. Ils vont travailler. Si toi, tu réagis plus dans ta tête, ils vont mettre des idées dans la tête de ton entourage. Puis là, tout le monde capote autour, puis voyons qu'est-ce qui se passe. C'est la raison, entre autres, pour laquelle j'ai été réticent pendant plusieurs années avant d'avoir un enfant. Ben, je me suis dit, si je réussis à m'ajuster, ils vont peut-être essayer de me manipuler à travers d'un enfant que je pourrais avoir. Mais en même temps, je ne veux pas m'empêcher de vivre aussi, là, parce que les Non. années passaient, puis moi, c'était quelque chose que je voulais connaître, d'être parent. Mais je sais très bien que ça m'expose à de la manipulation astrale. Ben, ça peut t'exposer à quelque chose que toi, tu vas te développer davantage C'est aussi. ça. Peu importe ce que tu fais, tu vas être exposé. Ouais, Il y a rien. dans un Oui. sens qui nous tue pas, nous rend plus fort, comme disait le philosophe Nietzsche. Donc peut-être que ça va m'amener plus loin dans ma force psychique de combativité face à l'adversité, mais en même temps, c'est sûr que c'est un petit peu désolant de réaliser que tout ce que tu fais peut être retenu contre toi, puis que à quelque part, on est dans un monde de manipulation tordue, puis l'épuration astrale, ça, depuis Bernard, son activité de 40 ans, je veux dire, il a pas fait fondre les icebergs astraux, là, c'est-à-dire, il y en a en masse, de la masse psychique, puis je pense que ça va prendre peut-être au-dessus de 2500 ans, là. Ça prend que ça prend l'éternité s'il faut, mais Pour ça, je pense pas à ça, là. non plus, je pense pas à ça. Sinon, on fera plus rien, puis ben non, tu sais, même, je trouve pas ça. Tu sais, je donne pas d'importance à ça. Non plus.